Job chapitre 30. Mais maintenant ceux qui sont plus jeunes que moi, se moquent de moi, ceux-là même dont je n'aurais pas daigné mettre les pères avec les chiens de mon troupeau. Et en effet, de quoi m'eût servi la force de leurs mains? La vieillesse était périe en eux. De disette et de faim ils se tenaient à l'écart, fuyant dans les lieux arides, ténébreux, désolés, et déserts. Ils coupaient des herbes sauvages auprès des arbrisseaux, et la racine des genévriers pour se chauffer. Ils étaient chassés d'entre les hommes, et on criait après eux comme après un larron. Ils habitaient dans les creux des torrents, dans les trous de la terre et des rochers. Ils faisaient du bruit entre les arbrisseaux, et ils s'attroupaient sous les chardons. Ce sont des hommes de néant et sans nom, qui ont été abaissés plus bas que la terre. Et maintenant je suis le sujet de leurs chansons, et la matière de leur entretien. Ils montent en abomination, ils se tiennent loin de moi, et ils ne craignent pas de me cracher au visage. Parce que Dieu a détendu ma corde, et m'a affligé, ils ont secoué le frein devant moi. De jeunes gens, nouvellement nés, se placent à ma droite, ils poussent mes pieds, et je suis en butte à leur malice. Ils ruinent mon sentier, ils augmentent mon affliction, sans qu'ils aient besoin que personne les aide. Ils viennent contre moi comme par une brèche large, et ils se sont jetés sur moi à cause de ma désolation. Les frayeurs se sont tournées vers moi, et comme un vent elles poursuivent mon âme, et ma délivrance s'est dissipée comme une nuée. C'est pourquoi maintenant mon âme se fond en moi, les jours d'affliction m'ont atteint. Il m'a percé de nuit les os, et mes artères n'ont point de relâche. Il a changé mon vêtement par la grandeur de sa force, et il me sert de près, comme fait l'ouverture de ma tunique. Il m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie à toi, et tu ne m'exauces point, je me tiens debout, et tu ne me regardes point. Tu es pour moi sans compassion, tu me traites en ennemi par la force de ta main. Tu m'as élevé comme sur le vent, et tu m'as fait monter comme sur un chariot, et puis tu fais fondre toute ma substance. Je sais donc que tu m'amèneras à la mort, et dans la maison assignée à tous les vivants. Mais il n'étendra pas sa main jusqu'au sépulcre. Quand il les aura tués, crieront-ils? Ne pleurais-je pas pour l'amour de celui qui passait de mauvais jours, et mon âme n'était-elle pas affligée à cause du pauvre? Cependant, lorsque j'attendais le bien, le mal m'est arrivé, et quand j'espérais la clarté, les ténèbres sont venues. Mes entrailles sont dans une grande agitation, et ne peuvent se calmer, les jours d'affliction m'ont prévenu. Je marche tout noirci, mais non pas du soleil, je me lève, je crie en pleine assemblée. Je suis devenu le frère des dragons, et le compagnon des hiboux. Ma peau est devenue noire sur moi, et mes os sont desséchés par l'ardeur qui me consume. C'est pourquoi ma harpe s'est changée en lamentation, et mes organes en des sons lugubres.